ce démon qui brûlait mon cœur, cet ange qui séchait mes pleurs, c'était toi, Jezebel, c'était toi. Ces larmes transpercées de joie, Jezebel, c'était toi, Jezebel, c'était toi. Mais l'amour est anéanti, tout s'est écroulé sur ma vie, écrasant, piétinant, emportant mon cœur. Jezebel, mais pour toi, je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers. Où es-tu, Jezebel, où es-tu? Souvenirs que l'on doit faner sont des êtres vivants avec des yeux de mort vibrant encore de passé. Mon cœur est perdu d'obsession, il bat en répétant tout au fond de moi-même mot que j'aime, ton nom. Mais l'amour est anéanti, tout s'est écroulé sur ma vie, écrasant, piétinant, emportant mon cœur. Jezebel, mais pour toi, je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers. En priant jour et nuit, sans répit, Jezebel, Jezebel.